confession ou vérité. En tout cas, papier gommé. Écris dans le soir, puis tu t'endors. Ta main, au hasard de tes remords, dessine un monde à effacer, dessine des choses à oublier. Imagination ou bien hasard, aspiration, papier buvard, impression ou vérité, en tout cas, papier gommé.